parlerai pas forcément au nom de Paluel parce que je suis pas non plus un représentant, je suis juste un employé là-bas. Après voilà, on est là pour manifester contre cette réforme. Les actions qui ont été menées à Paluel, ce sont des rassemblements ici à Rouen, à Dieppe. Je sais que j'ai des collègues aussi qui vont régulièrement au Havre. Voilà, pour les rassemblements, pour manifester contre la réforme. Et il y a eu des... Alors je sais pas si ça concernait Paluel. Est-ce qu'il y a eu des réductions de production d'énergie et tout ça? Oui, ouais, tout à fait. On a une tranche qu'on a réduit la charge à plusieurs reprises avec les équipes de conduite qui sont aussi fortement mobilisées là-dessus. Les équipes de conduite, c'est quoi? Ce sont les personnes qui gèrent, on va dire, la puissance fournie. En très simplifié, c'est ça. Et ils sont extrêmement mobilisés. On a des forts taux de pourcentage au niveau des équipes. Ce sont des équipes de car, ils sont ils travaillent tout le temps en fait en 3-8. Ils sont très mobilisés, ils baissent la charge, on les soutient vraiment, vraiment tous. Okay. Voilà. Et vous êtes au niveau des autres centrales nucléaires, il y a beaucoup de mobilisation ou pas? Au niveau du nucléaire, en général, on est à 50-60%, il me semble. Au niveau des grèves, après bien évidemment ça dépend des jours et on est quand même pas mal de centrales donc ça fait varier les stats, mais en général on est aux alentours de 50% de grévistes. Et c'est quand que vous mettez toutes les centrales à l'arrêt alors? Ah, mettre toutes les centrales à l'arrêt c'est pas possible. ce serait compliqué, ce serait dangereux. Merci beaucoup, c'est quoi ton prénom? Hugo. Merci Hugo, bonne manif. Salut.